Passeront les hivers, passeront les printemps. Rien jamais ne pourra dénouer ce serment. Je tresserai pour toi des colliers de tendresse. Oui, je tiendrai promesse. Nous reviendrons sur cette plage. Nous remarcherons sur le sable qui nous sert aujourd'hui de lit. Nous revivrons l'heure présente. La chanson romantique.